MC Marie Claude, aïe gololo, aïe gololo, c'est seigneur aïe gololo, aïe gololo, MC Marie Claude, gololo, aïe gololo, t'es venu maintenant, aïe gololo, aïe gololo, aïe gololo, Arafat et mamé. Ah, samalololo, samalololo. Le Seigneur, joie de mon âge. Esti Marie Claude, y'a pas femme pour toi. Claude sur la tronche, c'est toi la chamante de mon télé. Ton mari, c'est Seigneur, vous avez les boulotes yo yo. La famille de le dira, tu sais quoi tu n'iras. Oh. Cinq, quatre, trois, deux, un. Et bonjour, bonsoir, bienvenue sur le 895 de Duo. Merci de nous rejoindre pour cette émission spéciale. En effet, spéciale que cette émission. Vous nous écoutez peut-être ce midi, ce soir, ce matin. En tout cas, bien le bonjour à tous et toutes. Et bienvenue sur notre antenne. Un petit voyage musical dans cette émission aujourd'hui. Cela fait quelques jours, quelques semaines que nous préparons ce programme avec différents invités aujourd'hui autour du plateau, mais je dirais même plutôt différentes contributions, différents participants, participantes qui vont tout simplement animer cette émission aujourd'hui. On va faire un petit tour de table car le monde est nombreux autour des micros et de ce plateau. On va commencer ici dans l'ordre de gauche à droite, de 1 à 5. Bonjour. Bonjour, monsieur Mohamed Dramé depuis la Gambie. Salut Mamadou, salut. Bienvenue sur Duo. Merci. Merci à toi d'être là. On va bien sûr te retrouver durant cette émission. Ouais. Ok, merci, ça fait plaisir aussi d'être ici. Avec plaisir, juste à tes côtés. Saïdou, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Oui, ça va, et vous? Très bien. Merci à toi aussi d'être là pour cette émission spéciale. Et merci également à vous aussi. À tes côtés. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Kandia Lamine Gavi. Et je me retrouve ici aujourd'hui pour une émission qu'on avait déjà mise en place depuis quelques semaines. Et voilà quoi, c'est à cause de ça, je suis là ce soir pour faire cette émission. Merci Kandia. Et bienvenue à tes côtés, salut. Bonjour tout le monde, du coup moi c'est Tahani Belkir, je suis responsable de l'action culturelle au FIL, qui est la scène de musique actuelle de Saint-Étienne. Et dans le cadre de ce voyage musical, j'ai accueilli toutes les personnes présentes à cette émission de radio pour venir visiter le FIL. Donc on a parlé des métiers, du spectacle vivant, on s'est initié au son et à la lumière d'une salle de concert et puis on en a profité pour s'amuser sur la scène, chanter, danser. Et donc du coup, c'était un moment fort agréable de ce projet. Merci Tahani, merci le FIL. Et puis on poursuit ce tour de table avec une autre participante. Bonsoir. Ou bonjour, ou bon matin. Bonsoir monsieur, je m'appelle Aïcha Traoré, c'est tout. Salut Aïcha, et on va éviter les messieurs, c'est Lionel quand même pour moi ce soir, ou ce midi, ou ce matin. Salut, salut, et on poursuit bien sûr ce tour de table. Alors bonjour, je suis ravie d'être ici. Donc moi c'est Violaine Kyogo, je suis éducatrice au CHMNA de la Nef. C'est un service où on accueille plein de jeunes qui arrivent de plein de pays différents, du monde entier. Et on s'était dit que ça pourrait être intéressant de partager des moments de musique, des musiques qu'on aime, qui nous font penser à notre pays, qui nous font partager des belles valeurs, qui nous font rappeler des souvenirs, qui nous font réfléchir, échanger. Et du coup, c'est comme ça que tous ces jeunes sont là autour de cette table pour partager avec vous ce merveilleux voyage musical. Merci Violaine. Donc tu fais partie de ces personnes autour du plateau qui connaît peut-être davantage justement là, l'ensemble un petit peu de ces participants, participantes quand même. Oui, tout à fait. On a travaillé ce projet. Il y a de l'interconnaissance. Après, voilà la parole à Gaëlle, qui est du COMED. Mais c'est en effet des jeunes qui sont pris en charge à la NEF, qui sont aussi accompagnés par AMI 42, différentes associations. Et ce projet a permis de se rassembler en groupe, justement, pour échanger, partager, prendre du temps autre et différent ensemble autour de la musique. Et c'est le cas également pour Gaël, dont tu viens justement d'annoncer le prénom. Bonsoir. Bonsoir Gaël, bonsoir. Ou bonjour, ou bon matin à nouveau, suivant l'heure à laquelle vous nous écoutez. Mais là aussi de l'interconnaissance Gaël, avec les personnes présentes Gaël, ici. Moi, Gaël Isambert, je suis psychologue au COMED. Donc voilà, on est au COMED ce soir, donc très heureux d'accueillir cette émission au COMED et puis de vous accueillir tous. Donc le COMED, c'est le Comité pour la Santé des Exilés. Ça veut dire que c'est une antenne à Saint-Étienne d'une ONG, une association qui est en France, qui est à Marseille, à Paris, à Cayenne et à Saint-Étienne. Donc on est très fiers de ça et très contents de pouvoir offrir cet accueil et tout un ensemble de dispositifs et de soins, mais aussi un accès à la culture. Et c'est ça qui est tout à fait intéressant ce soir, c'est de faire rencontrer des gens qui sont, j'allais dire, dans différentes associations, dans une scène, le fil, Radio Audio, des acteurs locaux sur un territoire et de permettre justement cet accès-là à des jeunes qui arrivent sur Saint-Étienne et qui découvrent avec Trace une autre association qui nous permet aussi de mener ce projet-là. De découvrir un peu ce qu'est Saint-Étienne, ce qu'est la culture, de visiter ces lieux et de nous faire découvrir, on va voir ce soir aussi, la musique et l'importance de la musique dans leur vie et dans la nôtre. Merci Gaël, et on termine ce tour de table. Je vous l'avais dit, il y a du monde autour du plateau ce soir et tu as l'honneur de boucler ce temps de présentation. Salut. Bonjour, moi je m'appelle Jacques Mpova Pedro, c'est ça, je suis là pour le spectacle. Merci Jacques. Oui, une demande de prise de parole ici. Oui, Galen. Je me permets juste de rajouter et de penser, parce que donc là on a en effet plusieurs jeunes qui sont autour de cette table, qui vont vous présenter des morceaux de musique. Un va même chanter directement, parce qu'on a même un artiste en live aujourd'hui. Mais il y a aussi d'autres jeunes qui ont participé au groupe, parce que c'était plusieurs séances d'écriture, d'entraînement à parler dans un micro, de partage de musique, etc. Mais qui n'ont pas pu être là ce soir. Donc on pense à Mahamadou, on pense à Diesto, on pense à Isaac notamment. Et on aura peut-être l'occasion de passer leurs morceaux également de manière un peu informelle en plus dans cette émission. Voilà, ils ne sont pas là physiquement ou de façon présentielle ce soir, mais c'est la voix du numérique aussi et de la radio que de toute façon pouvoir les retrouver aussi durant cette émission parce qu'ils étaient avec nous durant ce temps ou ces temps que nous avons passé ensemble. Il faut quand même préciser qu'on travaille ce projet depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant. Il y a eu des premières prises de contact il y a plus d'un an avec le réseau Trace, qui est le réseau Actualité et Mémoire des Migrations en Auvergne-Rhône-Alpes, qui a amorcé et qui même, je dirais, a tout de même porté très largement ce projet. Une aventure d'ailleurs et une collaboration que nous menons ensemble depuis très longtemps avec ce réseau régional. Donc on les salue aussi, bien sûr, ici. Ils ne sont pas présent physiquement, mais nous nous sommes retrouvés dès mi-décembre pour envisager ce temps de parcours, je dirais, et culturel peut-être essentiellement, avec le fil, avec la NEF, avec le COMED. Donc depuis mi-décembre, nous nous retrouvons, il faut quand même le signaler, quasiment tous les mardis. Donc c'était aussi un enjeu et une forme d'engagement pour tous et toutes ici, que de se retrouver chaque mardi soir. Il faut saluer quand même aussi cet engagement, cette démarche et ce temps-là, quoi. Merci à vous. Alors on va être effectivement dans une forme de voyage musical parce qu'on a un petit peu comme ça collectivement décidé que c'est ce qui allait nous servir de fil rouge, et c'était plus qu'une bonne idée me semble-t-il, en tout cas la musique qui par essence se partage et qui se moque des frontières, je crois que c'était complètement justement bienvenu aussi pour faire et mener cette aventure ensemble. Alors c'est ce qui va se passer, vous avez fait vos choix de musique, on a fait quelques exercices de préparation justement de cette émission, donc c'est ce que l'on va tenter ce soir, aujourd'hui, en tout cas de rendre compte comme ça sur antenne et sur le 895 de Duo. Bienvenue à nouveau, c'est parti pour une heure environ. de voyage musical. Première musique, première proposition, justement. On écoute. Bricam. Poyo. Cigaretto, cigaretto, niris la paqueto, paqueto, la baby campadangama, pensembo sabarot, sabarot, tuolun sabaro, cigaretto, si si jao. Tata da oda, sisi o bendala, benyele ko adikat, briketo, konko benante domola, sabaro benye ko domada, huya bempalante sabarla, sabarla, sabarla, eh, luo lunse tutu, somanda fosutu, tata lapta no leto, doktaro konsiso, yeh. Na cigaretto, cigaretto, miris la paqueto, paqueto, na baby campadangama, cigaretto, pensembo sabarot, sabarot, tuolun sabaro, cigaretto, si si jao. Et bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Je vous amène avec moi aujourd'hui en Gambie, un pays de l'Afrique de l'Ouest. Je vous présente l'artiste Esti Gambien, qui est un chanteur de la Gambie. Sa ville natale est de Brikama, c'est une ville de la Gambie. La chanson, ça parle de la cigarette. En français, c'est en mandin qu'il chante. La chanson, la langue de communication en Gambie. Il essaye de nous conscientiser l'effet de la cigarette dans notre santé. Il nous explique quand il ne fume pas ce qu'il sent. Il ne se sent pas en bonne forme. Il nous fait comprendre que la cigarette, c'est comme sa carte d'identité. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas s'emparer d'être avec la cigarette comme il est tout le temps avec sa carte d'identité. Il fait comprendre à la jeunesse d'être moins accro à la cigarette parce qu'il nous met à mal à l'aise, il nous nuit notre santé. Il a fumé jusqu'à partir à l'hôpital demander l'avis des médecins. Ils l'ont dit que ses poumons, tout est gâté. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, je vous invite d'aller découvrir notre beau pays, la Gambie, avec ses belles cultures. Et vous êtes toujours les bienvenus, avec les bras ouverts. Merci. Brikam. Poyo. Et voilà, c'était 5 Gambian Dream, si je le prononce correctement, de Gambie donc, comme tu disais, le rêve gambien en quelque sorte, saint rêve gambien. Merci beaucoup Mamadou. Merci à toi pour ce titre Cigaretto. Je crois qu'il y avait une petite demande de prise de parole pour peut-être te poser une question Mamadou relatif à cet artiste ou pas d'ailleurs. Ouais, c'est Aïcha. Non, c'est juste lui féliciter. Il a bien présenté son pays et tout et bravo, tu t'es bien exprimé. Merci. C'est gentil de ta part. Aïcha, qu'on va retrouver aussi tout à l'heure. Eh bien, on poursuit cette émission et ce voyage musical. Après la Gambie, quelle va être notre destination ? On va être entre ici et là-bas, j'ai l'impression. Deuxième choix dans cette émission spéciale. Personne ne sait quand la vapeur s'inversera. Mais on reste debout, on serre les coudes, on les encaisse parce qu'on sait à quoi servent les coups. Les soucis m'empêchent de me coucher aux heures des poules. Je me repose seulement quand les frères ou les sœurs m'épaulent. On serre les dents quand se resserre les taux. On dissimule la fatigue malgré les serres, les taux. Les genoux à terre, ce n'est pas les coups. Je suis comme le daron, Harry, je reste debout. Inch'Allah, j'en arrive pas à me suicider. Oui, c'est à genoux que j'aimerais ressusciter. Mes cicatrices sont comme mes larmes. Trop de fierté pour que je te les montre, même si j'ai mal. Une grosse pensée à ceux qui ont perdu un proche. Tiens à dire à la famille qu'est à qu'elle s'accroche. Ça me touche mais je reste debout. Je suis touché, je reste debout. J'essaie de joindre les deux bouts. Ça fait mal mais je reste debout. Ça me touche mais je reste debout. Je suis touché, je reste debout. Mes vêtements sont pleins de boue. Ça fait mal mais je reste debout. Soucieux, t'as des dettes partout. Heureusement que t'as des potes. Tu vends la go, va tes rêves avant qu'elle se décote. En parlant de cote, la tienne en a pris cher. Sur liste rouge en Banque de France, on te voit comme un tricheur. Mais tant pis, demain est un autre jour. Pas le genre à appeler au secours, ni attendre l'autre jour. Très peu de larmes, les factures sont assez salées. Ils ont sucré ton salaire, c'était la diète toutes ces années. Heureusement que t'as la foi, du suicide tu prends pas la voie. La déprime veut un RDF mais tu veux pas l'avoir. T'as le sourire, pourtant c'est ton estime qu'on viole. Mais tu fermes ton cœur, de peur qu'on cambriole. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend là où vous êtes. Je vous présente ce morceau de Section d'Assaut. C'est un artiste très connu en France. Il vit ici en France. Et j'ai écouté ce morceau grâce à un ami. À ce moment-là, j'étais dans une situation un peu compliquée. Donc, ce morceau m'a fait comprendre que, quelle que soit notre situation, on doit toujours rester debout, on doit toujours prendre nos décisions en main. Donc, ce morceau m'a donné du force et du courage. Donc, j'invite tout le monde à écouter ce morceau et de ressentir ces moments qu'on vit dans ce monde, parce que à tout le moment l'humanité peut avoir des épreuves. Ça fait partie aussi de l'humanité. Donc je vous invite à écouter ce morceau si vous êtes triste. À tous les handicapés, une pensée à tous les gens enfermés, à tous les peuples opprimés, à nos familles, chapiteau, So, Diallo, famille Keita, les bas, famille Sal, la famille Mbaye, les séries, les rocards, à la petite Anaïs Kerala et toute sa famille, au Zaïre, la Guinée, Somalie, Rwanda, à tous les pays en crise. On reste debout. Et ouais, on reste debout. C'était Section d'Assaut. Merci beaucoup, Saïdou, pour ce choix et cette intervention. Violaine, tu voulais intervenir? Oui, moi je voulais juste faire une petite aparté pour dire à quel point justement dans cette langue universelle qu'était la musique, eh ben, il y a aussi le sens des mots. Et dans ces moments de partage qu'on a eu tous ensemble, les jeunes ont partagé beaucoup de musique et beaucoup d'eux, de moments forts pour eux, et ils nous ont fait passer beaucoup de messages. Et on voit bien là, avec les choix musicaux de Mahamadou qui nous emmène en Gambie dans sa langue et qui nous parle de la prévention, de la cigarette, de l'importance pour la jeunesse. Et puis Seydou, ou toi, c'est cette chanson que tu as écoutée ici en France dans des moments qui étaient difficiles et que tu as souhaité partager avec nous tous, comme cette musique qui t'a donné de la force. Et parfois, c'est important justement de trouver du temps pour écouter les paroles et se souvenir comment elles résonnent en nous. Voilà, merci pour ces très jolis partages. Ben oui, merci. Je le disais juste avant, Section d'Assola, donc groupe français, bien sûr, bien connu. Alors ici, Paris, certes, puis on l'a entendu en fin de morceau, toutes les dédicaces et ce voyage encore sur d'autres destinations et d'autres pays pour ce collectif. Là, ils étaient 8 membres, c'est à peu près ce qu'on représente ce soir dans cette formation initiale. Et puis ensuite, et ce fut certains choix, hein, quand on a préparé cette émission, d'ex-Section d'Assaut qui font aujourd'hui carrière solo, des Gims, des Black M et j'en passe. Tani pourrait nous refaire l'histoire du hip-hop français. On poursuit cette émission et ce voyage musical, toujours et encore, avec là eh bien, une petite particularité du fait non pas d'un morceau choisi, je dirais classiquement, mais c'est une petite session freestyle que vous allez retrouver pour poursuivre. Toujours dans ce voyage musical sur le 895 de Dio, du live et du direct. L'instrumental, c'est moi qui l'ai choisi et j'ai essayé de faire un morceau à cet instrumental. Et le morceau, le titre, c'est Amour aux filles dans notre langue. Cela veut dire que l'histoire de l'amour, là, ça va me rendre fou. Et j'ai surnommé le titre comme ça. Et ça part de l'amour. Parce que tout le monde le sait de nos jours, ce qui se passe dans les relations amoureuses, dans les couples. Et tu vois, il y a des hauts, il y a des hauts et des bas. Donc cette chanson-là m'a donné l'inspiration dans ce domaine-là. Donc j'ai enregistré ce son-là avec cet instrument-là. Donc le son, il est déjà là et ça, c'est l'instrument qui est en train de jouer là. On va le réécouter un petit peu. Tu peux juste nous dire quelques mots sur ce morceau qui est quand même intitulé Bamaya Mandeng. Mamaya Mandeng, ouais. Mamaya, on appelle ça chez nous Mamaya Mandeng. Cela veut dire Mandeng. C'est comme une communauté au fait. Et les Maliens, ils appellent comme ça Mandeng. Les Guinéens aussi, ils appellent. Même les Sidiki Diabaté, les sons que les Sidiki Diabaté ils font là, ça, c'est la musique Mandeng. Au fait, et donc on appelle ça là-bas ma musique Mandeng. Même en Côte d'Ivoire aussi, c'est pareil, c'est même sens. On l'appelle, c'est une appellation comme ça dans notre coutume. On l'appelle Mandeng, et on peut appeler aussi Mamaya. Donc, tout ce qui parle de love, musique love, amour, on appelle comme ça Mamaya ou musique love. Allez, ok. Eh ben là, on a écouté cet instrumental, on va le réécouter et on va t'écouter en freestyle puisque tu vas poser, comme on dit, des mots aussi dessus. Alors, pull up, comme on dit en général, on écoute ça. C'est d'ici un instant, Kanja en live, freestyle. 24 heures sur 24 sur le 895 de Radio Dio. Reste libre, sauvage et impertinent. Londe, na Londe, bande mini ruine manyara de temeto atiri enibore atiri arayabu naren temeto nto temeto nto temeto temerito fang formu fanyi nare yawori fiwe alorema nare nare temeribe ara nimero soni nare temato nimero soni nare temeri wili nto temeri wili nto temeri wili nare temeri wili yo nare temeri wili yo la yo Teme ma gori, naga temeri ma gori. Eske temeri nanku pulu, temeri nambe amuna nanku pulu. Naga temeri be, eske mono malurara. Nto temeri be, eske mono malurara. Temeri naga ma gori. Est-ce que auto nai? Est-ce que permis nai? Est-ce que na wali fe? Merci Kanja pour ce petit freestyle, belle voix, belle voix, belle voix. À quand le disque? À quand l'album? C'est en cours? Ouais. Mais oui, bravo, on peut applaudir Aïcha à fond. Ça s'emballe, ça a deux lignes de la tête. L'ambiance est là. Merci beaucoup. Violaine qui souhaite intervenir. Et alors, je crois, Kanja, que ce titre-là, il a même été enregistré. Donc, il y a même une version qui est possible d'écouter. Là, tu l'as chanté en live, freestyle, etc. Où est-ce qu'on peut écouter ce morceau-là? Est-ce qu'il est disponible sur, je ne sais pas, les plateformes, YouTube, ouais, Instagram? Je te laisse la parole. Ouais, le son est déjà disponible sur le YouTube. Mon compte YouTube, c'est OB officiel. Le son est déjà disponible là-bas. S'il y a quelqu'un qui peut aller voir sur le YouTube. Ok, donc tu as ta chaîne quoi, avec tes morceaux possiblement disponibles. Ouais. Aïcha? Moi j'ai une question à lui poser. Et l'ago qui t'a donné Goumen là, tu l'as retrouvé ou pas? Non, mais en fait j'ai fait l'ascension, c'est comme si c'est moi qui a vécu en fait. Genre, c'est la vie quotidienne, ce qui se passe dans la vie, dans les couples, quoi, en fait, tu vois. C'est comme si tu t'écoutes tout de suite l'ascension, toi, tu te retrouves dedans directement. C'est pas parce que tu t'as subi ou bien quoi, non. Peut-être ta vie ou bien quelqu'un t'a raconté des choses comme ça, tu vois. Ça te donne l'inspiration et directement, c'est ça. Sinon, c'est pas, j'ai fait l'ascension, c'est pas comme si ça m'est arrivé, au fait. Oui. C'est aussi de la fiction, c'est aussi bien sûr des... César, tout de suite, toi tu écoutes et tu te retrouves dedans directement. Ah, même si ça ne t'a pas arrivé, tu écoutes directement, tu te retrouves dedans. Okay. C'est comme si, voilà. Ça me rassure même, parce que ça fait plusieurs fois, tu chantes. Non, genre, quand tu fais ça, genre, c'est comme si je suis en train de raconter moi mon propre histoire, quoi, tu vois. Mais c'est pas ça, C'est pour tout le monde, au fait. Ah bon, ouais. Ok. Donc c'est semi-fictionnel, c'est entre réalité et... Voilà, exactement, c'est ça. D'accord. Et alors moi, j'avais une petite question, parce qu'il s'avère qu'il y a quelques jours, j'ai découvert un documentaire, Vent contraire, tambour battant, où je t'ai aperçu, Kanja, dans ce documentaire qui vient d'être réalisé par une autrice, réalisatrice stéphanoise. Alors, je ne sais pas, d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas encore visionné en intégralité, j'ai vu quelques extraits. Peut-être qu'il y a d'autres personnes, d'ailleurs, ici autour de la table, qui ont participé à ce travail et à ce documentaire. Donc, de la musique, du cinéma ou du documentaire. Oui, exactement, c'est moi. T'es sur tous les fronts, Kandja. Ouais, oui. Non, mais quel... c'était la blague, mais quel... tu peux nous dire quelques mots quand même sur ce... Oui, oui, c'est... En fait, ça a été fait avec moi et Sarah. Il y a plein de jeunes qui... Sarah Mio, qui est Sarah réalisatrice, Mio, ouais. Donc. Et il y a plein de jeunes qui sont dans ce documentaire. Et moi et Sarah, on s'est rencontrés à peu près quelques mois maintenant. C'est grâce à mes édiques qui nous ont mis en contact. Je crois avoir aperçu Violaine aussi au détour d'un couloir. Oui, exactement. Et du coup, c'est eux qui nous ont mis en contact, vu que moi, j'étais passionné de la musique. Donc, ils nous ont mis en contact. On a fait quelques séances. Là où le jour que je suis parti enregistrer le son là au studio, elle était avec moi, avec... tous ces matériels, on a fait ça, j'étais au studio, j'ai fini l'enregistrement, elle a tout, elle a fait l'image. La prise quoi, ouais, de ouais. L'image. C'était où ce studio, Kandja? À MJC. C'était à l'MJC Little, je voulais aussi, c'est ouais. Ce qui me semblait, mais je voulais du coup en profiter pour saluer un peu tout cet environnement aussi que nous ouais. Avons ici à Saint-Etienne, en structure culturelle, socioculturelle, la MJC des Tilleuls, qui effectivement assure aussi une émission sur le 895 de Dio, donc exactement. Aussi étroite c'est, collaboration c'est depuis longtemps, et qui dispose donc d'un studio où peut se dérouler des temps de radio, d'enregistrement, mais aussi de musique et de... Exactement. C'est elle qui m'a amené là-bas et puis elle a payé, elle m'a inscrit là-bas, elle a payé un mois, un an et je peux aller quand je veux, si je veux m'entraîner ou bien si je veux enregistrer un morceau, je suis libre, c'est elle qui a payé tout ça et depuis un certain moment on se connaît et voilà. Et c'est à cause de ça, je me suis retrouvé dans ce documentaire. Il y a une partie où je suis au studio, une partie où je suis... avec Monsieur Dick, je suis au CFA, tout. Ouais. C'est un documentaire sur les mineurs isolés dans la Loire qu'a réalisé Sarah Mio. Donc c'était un peu coïncidence vu que je viens de m'apercevoir que ce travail vient d'être présenté là récemment. J'espère qu'on pourra même, pourquoi pas, peut-être faire un temps de visionnage collectif. Exactement. Autour de Vent Contraire, Tambour Battant. C'était juste l'occasion de le signaler parce que voilà, je t'avais aussi ouais, ouais. Aperçu à figurer au sein de ce travail. Violaine aussi était au sein de ce documentaire. Alors tout à fait, voilà, qui peut être regardé donc, sur TL7 en replay. Et c'est des portraits de jeunes mineurs non accompagnés dans toute la diversité de leur vie, comme disait très bien Kandja. Les passions, le travail, ce qui est difficile aussi, ce qui fait rêver. Et voilà. Merci, ce voyage se poursuit. Le rêve, pourquoi pas, se poursuit aussi. On va y arriver, tu vas y arriver. C'est le titre qu'on écoute pour poursuivre sur Duo. Tu vas jamais y arriver, tu vas jamais y arriver. Tu vas jamais y arriver, tu ne verras jamais le sommet. Il y a des gens qui me disaient que j'allais jamais m'en sortir. J'allais jamais y arriver. Mais je sais que avec le temps, rien n'arrive. Au hasard, plier genoux, garder la foi, aussi l'espoir. Les problèmes, c'est normal, les difficultés, ça arrive. Beaucoup de pièces sur le chemin, ça c'est la vie. Ah. Trop de soucis, trop de coupures, tu sais même pas où c'est quitté. Si ton bonheur se trouvait dans la bouche des gens qui passent la vie à critiquer, tu serais en train de dormir dans la rue ou bien dans un cimetière. Tu peux choisir de te lever, de te battre, y arriver, démontrer à tout le monde que tu peux réussir dans la vie. Yeux dans yeux, ils verront. Yeux dans yeux, ils verront. Yeux dans yeux, ils verront. Ils verront. Yeux dans yeux, ils verront. Yeux dans yeux. C'est décidé, tu peux le faire. Faut pas te décourager pour eux. Chacun a sa chance dans la vie. Chacun sa chance dans la vie. C'est décidé, tu peux le faire. Faut pas te décourager dans la vie. Chacun son chemin et son destin. La vie, la vie, la vie. Tu vas jamais y arriver. Tu ne verras jamais le sommet. Y'a des gens qui me disaient que je n'allais jamais m'en sortir. J'allais jamais y arriver. D'après vous, je vais jamais pouvoir un jour m'en sortir. J'ai gardé la foi, me suis concentré avec courage. Les problèmes, c'est normal. Les difficultés, ça arrive. Beaucoup de pièges sur le chemin. Ça, c'est la vie. Ah. Si mon bonheur passait par la bouche des gens qui passent vie à me critiquer, à m'insulter. Je serai en train de mourir de faim ou de dormir dans la rue. Dans la rue. Mais j'ai choisi de me lever, de me battre et arriver. De montrer à tout le monde, à tout le monde, tout le monde. Je peux réussir, j'ai toujours prié genoux. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Aïcha Traoré et je vous présente Mola, qui vient de la Côte d'Ivoire et qui est un grand chanteur de chez nous, qui a commencé ici avec son groupe qui s'appelle Jack 7. Et il y avait Dougou Saga dedans, il y avait beaucoup de gens dedans. Et du coup, ils ont commencé ici, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Et chacun en fait son musique solo. Et c'est un grand chanteur de la Côte d'Ivoire, en fait. Et la chanson, il parle de courage. De courage, faut jamais baisser le bras. Même si quelqu'un qui te rabaisse, qui t'insulte, qui essaie de mettre dans ta tête pour dire tu vas jamais y arriver, parce que moi ça m'est arrivé, hein. On m'a dit que tu vas jamais y arriver, et même mon propre parent aussi, ça arrivait des fois, il me dit tu vas jamais y arriver, tu vas pas réaliser quelque chose dans ta vie et tout. Et cette chanson, ça me parle. Ça me parle. Et du coup, ça parle de mon histoire aussi. Et ça me ressent moi-même aussi. C'est pour ça que j'ai choisi cette chanson-là. Parce que ce mot, ça me touche beaucoup. Et c'est un très bel morceau. Et j'invite tout le monde à l'écouter. Ça fait du bien au cœur et ça fait réfléchir beaucoup. Donc je demande à tout le monde d'écouter Mola. Et puis c'est un grand monsieur qui est très très gentil, qui fait du don à tout le monde, qui donne beaucoup de... qui partage son argent à tout le monde parce qu'il est passé par là. Il connaît la pauvreté, donc il connaît. Donc il partage beaucoup. Donc, il sait d'où il vient. Il sait d'où il vient aussi. Tu l'as rencontré ? Mola ? Ouais. Et peut-être que s'il écoute radio, il va m'inviter chez lui. Ok. En tout cas, c'était ton choix, oui. Merci, oui. Aïcha. Oui. Mola, tu dis, c'est Molaré, ça s'écrit ? Molaré, oui. Donc apparemment, une personnalité, moi, on y rachetait une oreille effectivement plus attentive, Aïcha, sur ce choix. Moi, je ne connaissais pas cet artiste, je ne sais pas, ici autour de la table. C'est apparemment, effectivement, un artiste influent la Côte d'Ivoire. Oui. Hein, il fait partie de ce que j'ai pu voir du top 100 des personnalités les plus influentes de son pays. Oui, oui, oui. En Côte d'Ivoire. Oui. Et effectivement, il sévit dans ce registre qu'on appelle coupé-décalé. Oui, coupé-décalé, ouais, c'est eux qui ont créé le style, quoi. Le style coupé-décalé, ouais. Oui. Et ouais. Et tu avais déjà choisi un peu dans sa galaxie, là, un peu artistique. Je me souviens d'Arafat que tu avais proposé. Oui, Arafat. C'est un petit peu toute cette même famille, même, quoi. Oui, même famille, oui. Ouais. Pardon, ici une prise de parole, c'est Gaël. Oui, c'est moi. Merci Aïcha. Il manque, alors peut-être ça s'entend dans la voix, je me dis, mais il manque le sourire que tu as quand tu présentes ça, et c'est, ça rayonne, et c'est extraordinaire. C'est vraiment, ça accompagne parfaitement la chanson. Ah, donc, merci beaucoup. Il ne savait pas que j'avais sourire. Si. Et se couper décalé, mais Lionel m'a piqué la question en fait, hein. C'est ça la radio, faut aller vite. Mais en fait, c'est vraiment, tu nous avais fait effectivement découvrir DJ Arafat. Oui, oui, et, oui. Je voulais savoir si c'était effectivement la même école, le même mouvement. Oui, oui, c'est le petit de. C'est le grand frère de DJ Arafat. D'accord. Qui est Mola, c'est le même groupe là en fait. Ouais. D'accord. Ouais. Et moi, j'avais une autre question à poser, c'était aussi la place, ce qu'on s'est posé ce soir, la place de la musique justement dans sa vie, parce que là, tu fais directement référence, de comment la musique accompagne, comment elle donne du courage, elle donne de l'espoir, oui. Elle permet de rester debout. Oui. Tout à l'heure, effectivement, disait Seydou, donc pour toi, la musique, ça a pris quelle place justement ? Tu l'écoutes souvent ? Oui, j'écoute la musique tout le monde, hein, toute la musique qui donne, surtout la musique qui donne les conseils. Les musiques qui me donnent les conseils, qui me font oublier aussi mes soucis souvent et puis qui me donne le sourire tout le temps. Et c'est pour ça que, oui, la musique, c'est beaucoup de... Il y a beaucoup de place de la musique dans ma vie. C'est pas ça comme ça on dit. Oui, si, c'est ça, Aïcha, ouais. Ok. Je te remercie. En tout cas, merci pour cette... Oui, une question ici de Mamadou. Eh bien, je la fais en retour comme elle me l'a fait. Je la félicite avec son courage, tout le temps déterminée, très souriante. Bon, je la remercie. C'est tout. Hein. Merci beaucoup. Eh ben oui, tu vas y arriver. C'était donc le choix de Aïcha Mollard. Et alors, j'avais fait quelques petites recherches sur l'artiste, donc que je ne connaissais pas, qui apparemment est arrivé en France, lui, en 1996, donc il y a 20 ans de cela, si je ne me trompe, ou 30 ans, pardon, 30 ans. Oui, le temps passe très vite. Et je crois que tu vas y arriver. De courage, il en aura besoin, parce que j'ai malheureusement appris qu'il était incarcéré à Abidjan. Tu sais, Aïcha, ça. Oui, ça vient de passer il y a pas très longtemps parce qu'il a fait accident. Oui, c'est un accident de voiture. Hein, c'est un accident de voiture. Criminel ou autre. Il y a une dame qui est restée dedans avec son... Il est enceinte en plus. Oui, malheureusement. Oui, c'est pour ça. Si c'est apparemment aussi une erreur, un problème mécanique. Mais Du coup, voilà. Mais voilà, donc du courage et pour aussi Mollard et l'artiste. Merci beaucoup, Aïcha. De rien. Et on poursuit... Mamadou Konaté. Ouais. Salut. Salut, ça va ? Bonsoir. Bonsoir. On écoute là un instrumental de Sidiki Diabaté. Et alors ? Il parle de l'amour. De ma chérie, fais-moi confiance. Je te fais confiance. Ok. Il parle de l'amour. Il parle de l'amour. Ouais. On revient à cette question de l'amour éternel, universel, en double langue, Mamadou. C'est, comment dire, il est mélangé un peu avec français. Français et Bambara. Et Bambara. Ouais. Langue qui vient d'où ? Du Mali. Qui est la langue vraiment du pays ? Ouais, c'est la langue nationale du Mali. C'est la langue nationale, le Bambara. Bambara. Ouais. Ok. Donc tu viens du Mali ? Ouais, je viens du Mali. Et le Sidiki Diabaté aussi, il vient du Mali. Et connexion avec la France lui aussi, hein ? Ouais. Pas très loin d'ici ? Ouais, pas trop loin d'ici. Dans le sud, Ardèche 07, on reste dans la région, Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà connexion Mali-France. Merci Mamadou. Merci à vous. Auparavant, Mamadou, version originale, chantée là par Sidiki Diabaté. Sur le 895 de Dio, un petit voyage musical tout à fait spécial avec ici un plateau bien fourni en présence de belles personnes et qui vont vous faire voyager, mais alors par-delà toutes les frontières d'ici, de là-bas. C'est le choix de Nathan. On écoute, on en reparle juste après. Et à mon seuil, Dabou Fatou, il est top modèle. Mi pasta e panaya, bona zangi de mosolo. Bobo sani le temps passé Papa si royonga ina mona Pona ya Boliwe pe singa ta merci terre Chérie Maria Lela na komi pasta ye Pana ya oh mama Bona zangi ne mo solo Bobo sani le temps passé Papa si royonga ina mona ki Pessinga ta merci terre. Papa poti payo ba singinga pauvre malheureux mobola na zanga. Elle a pas ni nyango na zalina yango. Bonsoir, bonsoir à tous. Et je pense que vous avez écouté la musique. C'est un artiste du pays, Papa Wemba. Malheureusement, il est décédé en 2016 en Côte d'Ivoire. C'est un très bon artiste et connu à l'international comme au niveau du pays. C'est un artiste comment dire, qui a marqué une histoire pour le pays et dans certains pays aussi à l'international. Et Papa Wemba, c'est un bon artiste et on l'appelle le père de la sapologie parce qu'au Congo, la sapologie va ensemble avec la musique et tant que tu portes bien les habits. La sapologie, tu veux dire le fait de s'habiller ? Oui. En fait. De porter des sapes ? Oui. Ah ouais, quel beau mot. Voilà, en fait, ça va ensemble avec la musique. Donc, c'est ça. Et cette musique, ça, en fait, ça parle d'un jeune homme qui est en couple avec sa copine. Et bah, la copine ne veut plus de lui parce que les mecs, il n'a pas d'argent et... Il trouve son copain comme un passe-temps et donc voilà, c'est un peu, ça reflète un peu l'histoire réelle de la vie quoi. Bah voilà, merci. Et on poursuit et termine. Ou presque, ce voyage musical avec une toute dernière proposition, autre voyage, mais alors là véritablement on va embarquer et on va décoller. State Lines, Novo Amor, on en reparle bien sûr juste après. Mais Salut tout le monde, je m'appelle Jacques, c'est mon prénom. Mon nom de famille c'est Mpova Pedro. Je vais présenter un morceau d'une chanteuse qui vient du pays de Galles, c'est pas de mon pays natal. Il s'appelle Novo Amor. Et son titre, c'est State Line. La musique, elle parle des émotions, des émotions, quoi, des émotions de la vie, des réflexions. Ouais, pour moi, j'aime bien, c'est un style de musique douce, calme, par rapport à la vie quotidienne qu'on a déjà, par rapport à l'école. Ouais, le bis, une fois que tu rentres chez toi, tu mets une musique douce pour te mettre tranquille. Moi, j'aime bien. C'est parti de la journée. Quand je rentre chez moi, je prends une douche, je mets une musique calme, je me mets à reposer. J'invite aussi les jeunes à faire ça. Ça fait du bien à la vie. De prendre le temps pour toi, de t'aimer à réfléchir, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, c'était bien, qu'est-ce que tu voudras faire, c'est un peu ça quoi. Merci Jacques, c'est un peu la musique alors de méditation, enfin de calme, de soir, de fin de journée. Ça veut dire qu'en début de journée, tu écoutes quoi? Bah, En début de journée, j'écoute rien, je bois qu'un cappuccino. Pas de musique, pas de son. Non. Ouais, du calme. Ouais, c'est ça. Et du calme à nouveau, mais en musique le soir. Ouais, c'est musique ça. Apaisée, apaisante et parfait en guise de quasi générique de fin, je dirais, terminé ouais. Comme ça en douceur. Oui, c'est ça. C'est plutôt bienvenu. Et tes influences musicales, toi, plutôt anglo-saxonne pour le coup? Oui. Par rapport à les influences musicales, moi, je peux dire que moi, j'aime bien les musiques douces. Moi, j'ai pas les musiques. J'aime pas trop les musiques qui pou. J'espère que vous comprenez. Oui, enfin un peu plus rythmé, ouais, un peu agressif quoi quelque oui, part dans ça. Le. Oui, c'est ça. Ok. Oui. Je connaissais pas non plus cet artiste. C'est un registre indie folk que aussi j'affectionne particulièrement et une belle découverte à nouveau. Ouais, c'est une opportunité d'y écouter en plus. Plein de découvertes durant ce voyage musical et cette émission. J'espère que ça vous aura peut-être incité à aller à la découverte justement de ces choix, de ces sélections, de ces artistes. Grand merci à vous tous et toutes ici déjà pour ce voyage et cette aventure là dans laquelle vous nous avez aussi embarqué, emmené. Hein. C'était un beau moment et bon moment. J'espère pour vous aussi ici, là, de ce côté du poste, de l'autre côté également. Et c'est la toute fin de ce programme. Alors on va se saluer ainsi. Et merci à tout le monde et bravo. Merci à toi également. Et on vous remercie aussi. Merci beaucoup pour cette initiative. Donc merci beaucoup et longue vie à tout le monde. Mais oui, s'il y a un mot de la fin, vous n'hésitez pas, bien sûr. Le micro merci. Est là, le micro est merci ouvert. À toi Lionel. Hein, de ton accompagnement, de cette initiation à la radio, c'était fabuleux et merci à tous ceux qui ont participé pendant toutes les séances qu'on a eues. C'était très chouette de vous avoir là et de partager ça avec vous. Oui, Aïcha. Merci à tout le monde et c'est le dernier là. C'est fini. C'est fini. On a écouté la dernière proposition de Jacques. Merci beaucoup à vous voulez plus que ça s'arrête? Oh. Merci beaucoup à Madame Violaine et tout le monde. Oui. Saïd aussi, je crois que tu voulais dire quelque chose. Non, ou Mamadou? Non. Merci à tout le monde. Des temps forts qu'on a passés ensemble, ça m'a fait très plaisir. Et j'attendrai les résultats avec patience. Merci. Ouais. Et oui, un petit mot aussi pour la fin, parce que je ne sais pas si au travers des ondes, on peut ressentir, mais il y a une certaine émotion, je pense, aujourd'hui, au fil des séances, chacun, en partageant ses morceaux de musique, en partageant ses morceaux d'histoire de soi, on nous a offert un petit morceau d'eux, un petit morceau de leur cœur, et qu'ils ont aujourd'hui partagé, et c'est avec une jolie émotion, une vraie émotion, qu'on achève ce groupe d'échanges. échanges autour de la musique, autour de soi, au travers de la radio. Et on vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter et de partager ces morceaux avec eux. Absolument, et moi je dirais que ce n'est qu'un début. Voilà, on est arrivé à ça aujourd'hui, maintenant, tout de suite, mais que ben, pourquoi pas se retrouver, en tout cas moi je lance l'invitation avec grand plaisir, et de remettre ça dans quelques temps futurs, lointain ou pas très lointain même, avec grand plaisir. En tout cas, félicitations à vous, bravo, bravo.